49. Assommons les pauvres. Pendant 15 jours, je m'étais confiné dans ma chambre et je m'étais entouré des livres à la mode en ce temps-là, il y a 16 ou 17 ans. Je veux parler des livres où il est traité de l'art de rendre les peuples heureux, sages et riches en 24 heures. J'avais donc digéré, avalé, veux-je dire, toutes les élucubrations de tous ces entrepreneurs de bonheur public, de ceux qui conseillent à tous les pauvres de se faire esclaves, et de ceux qui leur persuadent qu'ils sont tous des rois détrônés. On ne trouvera pas surprenant que je fusse alors dans un état d'esprit avoisinant le vertige ou la stupidité. Il m'avait semblé seulement que je sentais, confiné au fond de mon intellect, le germe obscur d'une idée supérieure à toutes les formules de bonne femme dont j'avais récemment parcouru le dictionnaire. Mais ce n'était que l'idée d'une idée, quelque chose d'infiniment vague. Et je sortis avec une grande soif, car le goût passionné des mauvaises lectures engendre un besoin proportionnel du grand air et des rafraîchissants.